cher auditeur. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Bonjour à toutes, voilà il est 40 minutes, voilà ça. Voilà donc pour l'émission de l'accordéon du dimanche après-midi tout simplement. Voilà donc, eh bien, j'espère que vous avez passé une très bonne matinée et puis j'espère que vous allez avec l'accordéon, eh bien, aimer tout simplement l'accordéon. Eh bien, je vous laisse avec deux morceaux de valse. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Robert et l'accordéon. Dans un tango, les yeux dans les yeux, on se comprend sans faire d'aveux. Et quand plus tard, chez Claudette, on fermera les volets, on partira de sa guinguette avec au cœur un peu de regret. L'accueil chez Claudette, c'est de rigueur pour nous tous. Chacun veut lui compter fleurette, mais elle s'enfuit dans un gai froufrou. Ses filles nous servent la ligot dans un fait tout bien gardé au chaud. Et la soirée chez Claudette s'achèvera en gaieté avec un de cabrette, tout parfumé des fleurs de l'été. Le cha-cha et juste après un tango. Le cha-cha et lolo, c'est un jeu de boules en plus rigolo. Les mecs ont chaud sous leur maillot, les mains baladeuses ont du boulot. Le cha-cha des lolos, ça vous met le feu partout sous la terre. Plus ils sont gros, plus le tempo va et vient comme au trampolino. Elle est gonflée du chemisier, mais jamais un gars ne lui a reproché. Vraiment y a du monde au balcon. Très chère madame, vous avez là, non pas des citrouilles mais des œufs au plat. Transformez-vous en polisson en vous les faisant gonfler au silicone. Le cha-cha et lolo, c'est un jeu de boule en plus rigolo. Les mecs ont chaud sous leur maillot, les mains baladeuses ont du boulot. Le cha-cha et lolo, ça vous met le feu partout sous la peau. Plus ils sont gros, plus le tempo va et vient comme au trampolino. Il y a du tangage, du roulis, vagabondage et paletage. Mais elle ne peut les mettre en cage, ça ferait chialer tous les mecs du village. À l'élection de Miss Nichon, elle a eu mieux qu'un prix de consolation. Côté mamelle, quelle merveille, on ne peut pas dire qu'elle vole la clientèle. Le cha-cha des lolos, c'est un jeu de boule en plus rigolo. Les mecs ont chaud sous leur maillot, les mains baladeuses sont du boulot. Le cha-cha des lolos, ça vous met le feu partout sous la peau. Plus ils sont gros, plus le tempo va et vient comme au trampolino. laisse avec The Fox et puis juste après on écoutera tout simplement la Java. Vraiment, vraiment bien, quand on revient, c'est chouette, d'une bonne balade à bicyclette. Central Bar, le rendez-vous des amis Central Bar, qui vers 11h, 11h30, se rince et s'amidale, de peur d'avoir un coup de fringale. On sirote sous les platanes, un petit verre qui régale, un demi bien frais, tout en regardant passer de jeunes femmes habillées, vraiment plus léger, léger. Central Bar, on rigole, on se marre, Central Bar. Chacun raconte une histoire, on est bien, on est peinard, et pipi pour le Central Bar. La patronne a de jolis yeux noirs, 2000 watts dans chaque phare. Le patron a du rayon de comptoir, toujours heureux de nous voir. Le garçon n'est jamais sous pression, y a jamais rien qui l'affaille. La serveuse qui ressemble à un garçon, froide comme la glace au citron. Central Bar, au rendez-vous des copains Central Bar. On s'y sent vraiment, vraiment bien quand on revient. C'est chouette, d'une bonne balade à bicyclette. Central Bar, le rendez-vous des amis Central Bar. Qui vers 11h, 11h30, se rince les amygdales, de peur d'avoir un coup de fringale. C'est un endroit sympathique, un petit coin authentique, gentil comme tout. Et c'est là qu'après l'effort, on remonte le ressort avant de rentrer chez nous. Central Bar, on rigole, on se marre, Central Bar. Chacun raconte une histoire, on est bien, on est peinard, hip hip hip pour le Central Bar.

sur Arc-en-Ciel. Voici donc eh bien, le Madison et puis suivi du Passo. Noël. Voici donc le Sapsa et qui suivra après avec le Tarentelle. Bienvenue dans nos programmes. Thank you.

Donc après, tout simplement, le country, je se mène du côté du carnaval, et puis juste après, les guinguettes. Des guinguettes, la java musette qui nous met en fête. On la danse le dimanche sur les bords de l'eau. C'est la java des guinguettes aux fontes fleurettes, aux jolies brunettes. On roucoule sous les branches comme des moineaux. C'est la java des guinguettes où chacun projette bien des amourettes. C'est là que l'amour se penche sur les tourtereaux. Amoureusement blottis sous la tonnelle, au son du java nouvelle, qui triomphe aux musettes, c'est la java des guinguettes. L'amour se penche sur les tours de roue. Amoureux. joyeusement blotti sous la tonnelle au son d'une java nouvelle. Voici donc la marche valse et puis juste après Polka. voici donc la Java. Et puis après, l'accordéon soleil. Thank you. merci donc. Je vous laisse avec, bien sûr, la valse. Et puis, juste après, on va faire un petit tour avec la java. Et suivi, salsa. Thank you. Voilà donc retour avec un Madison et puis juste après le country. We'll be right back. Voici donc la tarentelle. Sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. laisse avec le baron et puis juste après la guinguette. Arc-en-ciel. Voici donc la marche et puis suivi de la musette. Arc-en-Ciel. Voici donc un autre morceau rock, et puis juste après, on écoutera tout simplement le polka. le banjo. donc les 15h55, et bien voilà, l'émission touche à sa fin. Voilà, donc on va se retrouver donc bien, non pas la semaine prochaine, mais d'ici 15 jours. Et oui, parce que tout simplement, la semaine prochaine, et bien avec tout simplement, ça sera d'autres artistes qui seront tout simplement là sur Fleury pour le magasin, tout simplement, qui sera présent. Donc ça veut dire que l'émission, tout simplement, sera tout simplement pour les artistes. Avec le magasin du monde. Voilà, donc il y aura d'autres artistes et ça sera tout simplement rediffusé sur l'antenne. Voilà pourquoi. Et on se retrouvera tout simplement la semaine prochaine. Sinon, nous, on se retrouve aussi mardi et vendredi, pareil, à partir de 13h30. Voilà, donc eh bien, je vous laisse avec d'autres morceaux d'accordéon pour se quitter. Et je vous dis bon soir à tous et à toutes. Horas no continente da Madeira, duas nos Açores. Notícias com Miguel Bastos. O Ministério Público pede prisão preventiva para o antigo chefe de gabinete do Primeiro-Ministro Vítor Scária e para o advogado e consultor Diogo Lacerda Machado no âmbito da Operação Influencer. Esta é uma notícia que está a ser adiantada pela SIC Notícias. As medidas de coação só serão conhecidas amanhã, depois das 3 da tarde. O advogado de Diogo Lacerda Machado disse esta manhã que o Ministério Público